Les rendez-vous de souvenirs des dirigeants Kim Jong-il ont eu lieu en Tanzanie, en Équateur, en Malaisie et en Indonésie. Y ont participé les personnalités de divers milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont indiqué que le dirigeant Kim Jong-il a accompli des exploits mortels devant l'époque et l'histoire par la pensée et les théories extraordinaires et le leadership sans pareil.